Le Meunier par Henri Gréville, chapitre 1er. Après le dîner, tout le monde s'était établi sur le balcon. Les hommes fumaient, les femmes parlaient chiffon, comme c'est assez l'usage partout en général, et à la campagne en particulier. Seule la maîtresse du logis ne mettait point du sien dans cette conversation à bâton rompu. Assise un peu à l'écart du groupe bruyant, le coude appuyé sur un guéridon de marbre, elle regardait d'un air rêveur le magnifique domaine dont elle venait d'hériter. Le soleil couchant jetait des lueurs étranges dans les zones du ravin. On eût dit par instant que le feu couvait sous la teinte cendrée de leur feuillage. Au-delà, le Volga déroulait ses larges sinuosités, bleues comme le ciel des pays chauds. La comtesse Marie voyait-elle ce qu'elle regardait? Qui pourrait en répondre? Ses yeux bleus profonds et changeants n'avaient pas l'habitude de dire tout ce qui se passait dans sa jolie tête. Un des jeunes gens l'attira bientôt de sa rêverie, en lui demandant si elle connaissait déjà les richesses dont la mort d'un parent éloigné, peu connu, moins pleuré, venait de la gratifier. « Sans doute, » répondit-elle sans se retourner. « Je suis sûr, » reprit le beau Zamkin, « que vous ne connaissez pas la plus singulière de vos raretés. » « Laquelle ?» « L'ours apprivoisé. »« Pardon, » interrompit le bel esprit du district, « un ours jadis apprivoisé ?» et retourné depuis longues années à la vie primitive. Cette fois, la comtesse Marie se retourna. « Parlez-vous d'un animal ou d'un homme ? » dit-elle avec une nuance de curiosité. Tout le cercle éclata de rire. « La question n'est pas décidée, » reprit le discoureur. « Pour l'éclaircir, faites venir votre meunier Merikoff. » « Un paysan ?»« Non pas, un homme du monde autrefois. » « Meunier aujourd'hui, de par la capricieuse déesse du jeu. » « Un homme du monde devenu meunier ?» Par quelle vicissitude ? Nous ne reproduirons pas les fleurs de rhétorique du bel esprit campagnard. La substance de son esprit suffira. Vladimir Alexandrovitch Merikoff descendait directement d'une des plus anciennes familles de Russie. Héritier d'une immense fortune, il reçut une éducation fort à la mode en 1830, heureusement plus rare de nos jours. Le matin, vers midi, le jeune Merikoff, conduit par son gouverneur, était admis à baiser la main de madame sa mère, à moins qu'elle n'eût la migraine ou fait quelque perte au jeu, ce qui la rendait inabordable. Pour le reste du jour, il était livré à la merci de son gouverneur. Celui-ci, par acquit de conscience, lui donnait quelques notions de n'importe quoi, et le soir, sa tâche terminée, elle s'amusait au dehors, pendant que son élève jouait aux cartes avec les domestiques. Ce beau système d'éducation dura jusqu'à l'époque où le jeune homme atteignit sa 13e année. Alors, quelques scandales ayant transpiré, le gouverneur fut remercié. Un autre prit sa place, auquel il fut enjoint de ne quitter son élève ni jour ni nuit. Le mentor nouvellement promu était un ancien trompette de régiment égaré dans la grande bagarre de 1812 et qui, bien choyé, bien nourri, à force d'enseigner sa langue, avait fini par se persuader qu'il la savait. Pour éluder les sévérités de la consigne, ce prudent personnage imagina d'emmener partout son élève avec lui. Le moyen était excellent. Par malheur, certains jours d'avril, la princesse F, tante du jeune homme, passant en calèche devant la porte d'une maison borgne située à peu de distance des portes de la ville, aperçut son neveu, qui, perché sur son propre cheval, tenait piteusement en main celui de son gouverneur. « Que faites-vous là, Balodia ? » dit-elle avec un étonnement concevable. « J'attends monsieur Berger, » fit le jeune homme embarrassé. « Il est là-dedans ?» reprit la princesse édifiée. En ce moment, M. Berger parut sur le seuil, chantant d'une voix expressive « Vous me quittez pour aller à la gloire ?»« J'emmène Balodia, » dit la grande dame, le plus simplement du monde, coupant dans sa fleur l'expansion poétique de l'ex-trompette. Celui-ci ôta son chapeau, mais avant qu'il fût revenu de son étonnement, la calèche était déjà loin, et il eut fort à faire pour attraper les deux chevaux de selle qui ne demandaient pas mieux que de retourner seul à la maison. Cette aventure eut pour résultat logique de donner à Balodia un théologien allemand en remplacement de M. Berger, et la conséquence non moins logique de cette substitution fut pour le jeune homme une soif extrême des jouissances de tout genre dont il était sevré. À 18 ans, il se trouva orphelin, libre comme l'air et maître d'une immense fortune. On peut concevoir qu'il ne se mit pas à thésauriser. Malgré les riches dispositions dont la nature avait doué Merikoff, il semblera extraordinaire qu'1,5 million de capital ait pu être mangé en 3 ans. Cependant, rien n'est plus exact. Le jeune homme était entré aux gardes. Ses camarades de régiment, qu'il avait provoqués aux plus folles dépenses quand il était riche, lui firent entendre, à l'aurore de sa ruine, qu'il ne pouvait embarrasser de sa pauvreté le brillant régiment dont il avait si longtemps défrayé les plaisirs. Il comprit, quitta la garde et entra dans l'armée. Il fit plusieurs campagnes et se battit bravement, mais une mauvaise chance le poursuivait, et d'ailleurs, à tort ou à raison, l'armée en aime pas les officiers qui viennent de la garde. Malgré sa valeur reconnue et la croix de Saint-Georges qu'il avait bien gagnée, il ne put dépasser le rang de capitaine. Vers la cinquantaine, lassé du service, aigri par la misère, il se décida à prendre sa retraite. Seul de toute sa fortune, il possédait encore une propriété hypothéquée au-dessus de sa valeur, précisément celle dont venait d'hériter la jolie comtesse. Au jour de sa prospérité, Merikov s'était si peu occupé de ses biens qu'il n'avait jamais visité ce domaine. Là, rien ne lui rappelait des souvenirs pénibles. Un ancien ami, tant soit peu parent, prenant pitié de sa triste position, offrit de lui acheter ce domaine en le dégrevant de ses hypothèques. Il lui réserva le fermage d'un beau moulin situé sur une jolie rivière qui ne tarissait jamais, même dans les grandes sécheresses. Merikov accepta et conclut un bail à perpétuité. Depuis 10 ans, il vivait au moulin. Tout auprès, il s'était construit une maisonnette de bois. De ses propres mains, il s'était arrangé un petit jardin où croissaient des légumes et quelques fruits. Il n'avait jamais pu mettre de côté le moindre argent pour payer son fermage, mais son ami, qui le connaissait bien, n'avait rien exigé, et Merikov, tenu en haleine par une demi-douzaine de procès relatifs au cours d'eau, vivait au jour le jour comme son confrère le meunier sans souci. La comtesse avait écouté ce récit sans mot dire. « Comment a-t-il vu dans le voisinage ?» demanda-t-elle après un court silence. « On ne l'invite guère, » lui fut-il répondu, « mais on le reçoit partout. Par son âge, il a droit à quelques égards. Du reste, il a l'esprit caustique et, quand on se moque de lui, il a bientôt mis les rieurs de son côté. « Surtout quand il a une pointe, » interrompit Zamkine. « Comment ?» s'écria la comtesse d'un air à demi dégoûté. « Hélas, madame, on n'est pas parfait. Que voulez-vous que fasse le pauvre homme pendant les longues soirées d'hiver ?»« Mais je ne veux pas le voir alors, » dit la comtesse avec une petite moue délicieuse. « Un homme qui boit, quelle horreur !»« Bois, » répondit philosophiquement son mari, qui connaissait le meunier de réputation depuis de longues années. « Si l'on ouvrait la porte qu'aux gens qui ne boivent pas, on ne recevrait pas grand monde. Je ne vois pas tant de différence entre l'ivresse de l'eau-de-vie de grain et celle du vin de champagne. » La comtesse réprima un léger mouvement d'humeur et réfléchit un instant. « De quoi cet homme a-t-il l'air ? » demanda-t-elle. « Faites-le chercher, vous verrez, » répondit le comte. La jeune femme agita une sonnette. « Allez prier Vladimir Alexandrovitch de venir prendre le thé chez nous, » dit-elle. Chapitre 2e. Le domestique, frais débarqué de Pétersbourg, se rendit à l'office. « Vladimir Alexandrovitch, qu'est-ce que c'est que ça ? » demanda-t-il au marmiton qui lavait les assiettes. « Le meunier, » fit celui-ci sans se retourner. « Le meunier ? La comtesse m'a dit d'aller l'inviter. Où demeure-t-il ? » « Ah oui, allez l'inviter. » « Ça n'en vaut pas la peine. Envoyez-y quelqu'un. »« Eh bien, vas-y. »« À quoi bon ?»« Je veux dire à Féclusha qu'elle y court. »« Hé, Fiocla !» La gardeuse de Dindon, ainsi interpellée, leva la tête vers la fenêtre et montra le frais visage hâlé d'une jolie paysanne de 15 ans. « Eh bien, quoi ? » demanda-t-elle en asiant. « Va dire à Vladimir Alexandrovitch que la comtesse l'invite à prendre le thé. »« Au moulin ?»« Qu'elle saute. »« Oui, au moulin. Où veux-tu que ce soit ?» La messagère s'en alla le long d'un champ de seigle, dont elle arracha quelques épis en passant, puis elle tourna le coin d'un bois, et chantant à tue-tête, elle descendit la route sablonneuse qui menait au bord de la rivière. Merikov, assis à la fenêtre de la pièce qui lui servait à la fois de salon et de salle à manger, fumait paisiblement sa pipe quand la petite fille apparut sur le seuil de la porte. Les poules qui becquetaient le grain répandu s'enfuirent effarouchées en caquetant. Merikov leva la tête. « La comtesse a ordonné que vous alliez prendre le thé là-haut, voilà !» cria Lyris aux pieds nus, et là-dessus elle s'enfuit à toutes jambes pour attraper une vache qui s'en allait traînant sa corde. « Ordonné, ordonné !» grommela le vieillard. « Ordonné, c'est bientôt dit, et si je n'y allais pas ?» Il réfléchit un instant. « J'irai pourtant, » se dit-il. « Après tout, ils sont les maîtres à présent. » Poussant un soupir de temps en temps, il tira d'un coffre son ancien uniforme, l'épousta soigneusement et s'en revêtit. Quand il fut prêt, il prit sa casquette et se dirigea vers le château. Malgré ses 60 ans bien révolus, il n'avait pas mauvaise mine. Sa haute taille, voûtée par l'habitude de passer sous les portes basses de sa cabane, était bien prise dans son uniforme. Très maigre, il paraissait plus grand qu'en réalité. Ses traits durs et caractérisés portaient l'expression du sarcasme, peut-être du cynisme. On sentait en le voyant que cet homme avait pris son parti de sa déchéance, mais qu'il ne permettrait pas d'en rire. Lorsqu'il entra dans le salon, la châtelaine était debout près d'une petite table. En l'entendant annoncer, elle se retourna et le salua en souriant. L'impression qu'elle fit alors sur lui fut si profonde qu'il s'en souvint jusqu'à la dernière minute de sa vie. La comtesse était une femme de taille moyenne, souple et élégante. Elle pouvait avoir 25 ou 26 ans. Vêtue ce jour-là d'une robe blanche avec des rubans lilas, elle avait l'air d'une petite fée. Sans être belle, elle frappait par le charme exquis de sa voix, de son sourire, de ses manières. Merikov se sentit d'abord mal à l'aise. Cette société élégante ne ressemblait guère aux réunions des propriétaires du voisinage. Honteux de son embarras, il résolut de payer d'audace et se lança dans une conversation politique avec 2 ou 3 voisins. Le thé circulait dans le salon, la porte ouverte laissait entrer la brise, la causerie allait le mieux du monde, lorsqu'un mot imprudent détruisit l'équilibre que tout semblait favoriser. Zamkin parla d'un Anglais qu'il avait fait venir pour établir dans ses terres des prairies artificielles. « Ne me parlez pas des étrangers !» s'écria tout à coup Merikov, par une de ces boutades qui lui étaient habituelles. « Ils viennent nous piller, profiter de nos capitaux, s'enrichir de notre revenu, et retournent dans leur pays pour se moquer de nous. Le vôtre fera ses gorges chaudes de vous, Zamkin, quand il vous aura bien volé. Ces parasites ne font que nous soutirer notre argent. » « Les Russes gaspillent le leur et restent sans un morceau de pain, » répliqua Zamkin, piqué au vif. Un grand silence se fit. La comtesse, tenant à la main sa tasse de thé, se leva sans affectation et vint s'asseoir près de Merikov. « Dites-moi, Vladimir Alexandrovitch, » lui dit-elle avec bonté, « vous devez vous ennuyer en hiver. Ne voulez-vous pas puiser dans notre bibliothèque ?» Des larmes de reconnaissance remplirent les yeux du vieillard pendant qu'il répondait d'une voix mal assurée. Zamkin comprit son tort. La conversation languissait. On se sépara bientôt. Il était minuit à peu près quand Merikov revint chez lui. « Elle est belle, et surtout elle est bonne, » se dit-il en regagnant sa cabane, où sa ménagère endormie sur la table l'attendait près d'une chandelle fumeuse. « Il y a longtemps que personne ne m'avait parlé comme elle. Que Dieu la bénisse. » Chapitre 3e. De ce jour, Merikov devint l'hôte assidu du château. Les maîtres du lieu, prenant en pitié son isolement, l'invitèrent à venir souvent. En retour, il se fit adorer des enfants de la comtesse. Ces petits êtres trouvaient charmant d'avoir à leurs ordres le grand vieillard qui les portait sur son dos, qui leur dénichait, leur élevait des oiseaux, si bien qu'il leur devint nécessaire. Dès le matin, on les voyait tous les 4 sur la pelouse. La comtesse, en blanc peignoir, les regardait de son balcon, et venait parfois se mêler à leur jeu. Elle était toujours d'égale humeur, un peu indifférente en général pour ce qui l'entourait, mais compatissante et généreuse pour les classes inférieures. On ne l'aimait pas beaucoup dans le voisinage, où elle était taxée de dédain. Merikov savait cependant qu'elle n'était pas dédaigneuse, mais ennuyée de la vie oisive et inutile des grandes dames. Il remplit plus d'une lance en son honneur, mais sans convaincre personne. Rien de plus difficile à déraciner qu'une idée fausse. L'automne vint. Le pauvre vieillard pouvait à peine en croire ses yeux lorsqu'il vit la grande berline devant le perron. Il y porta lui-même ses 3 petits amis, puis la comtesse y monta en s'appuyant sur sa main. Le comte était parti la veille, les enfants passèrent la tête par la portière. « Ne nous oubliez pas, Vladimir Alexandrovitch, » dit la comtesse avec un signe d'adieu. Le pauvre homme voulut répondre et ne put. Il regardait tristement la voiture, que les chevaux eurent bientôt emportée hors de vue. Merikov était seul. Sans remarquer la pluie fine et glacée qui tombait sur sa tête nue, il parcourut le jardin à pas lents. La solitude lui avait été une rude compagne pendant les 10 années qu'il avait passées au moulin. Mais après un été si bien rempli, se retrouver seul était 100 fois plus cruel. Il voulut au moins chercher un visage connu. Traversant les appartements attristés par ce désordre qui suit un départ, il se dirigea vers la chambre de la femme de charge. la dame du lieu tenait cour plénière. On prenait le thé autour d'une table bien servie. Une chaise fut offerte à Mérikoff, qui avait beaucoup remonté dans l'estime de la Valtaille depuis que la comtesse l'admettait à sa table. En bon prince, il s'assit et accepta un verre de thé. La conversation reprit son cours, et les causeuses, car Mérikoff était le seul homme de cette digne réunion, continuèrent à éplucher soigneusement les hôtes du château. « Stepanida Vassilievna, dit tout à coup la femme de charge, votre maître va s'ennuyer à la maison maintenant. Il faudra inventer quelque chose pour l'occuper pendant les soirées d'hiver, mais quelque chose de nouveau, voisine, car il n'est plus aussi jeune qu'il l'a été. » Stepanida répondit en secouant les épaules. « On y pourvoira, n'est-ce pas, maître ?» Mérikoff vida son verre de thé, le reposa sur la table et répondit sentencieusement « On y pourvoira. » Stepanida avait plus de 40 ans, mais elle était fraîche encore et d'un extérieur agréable. Son signe particulier, comme disent les passeports, était un bas de laine qu'elle tricotait incessamment, même en prenant du thé, et dont le peloton roulait toujours à terre au moment le plus intéressant de la conversation. L'apostrophe de la femme de charge n'était pas sans malice. Lorsque Mérikoff était venu s'établir au moulin, Stepanida l'accompagnait, et les mauvaises langues prétendaient qu'elle était plus maîtresse au logis que le maître lui-même. Moralement, c'était faux. Littéralement, c'était vrai. 20 ans auparavant, Stepanida, alors servante, s'était attachée à Mérikoff, qui en avait fait l'objet d'une fantaisie à l'un de ses voyages dans ses terres. Depuis ce temps, fidèle à sa fortune, elle ne l'avait plus quittée et fut son unique domestique et sa consolatrice dans les mauvais jours. Elle avait possédé un petit pécule qui avait fructifié dans les mains de son frère, marchand aisé. Un jour vint où Mérikoff regarda la misère en face, car une inondation avait détruit son moulin presque en entier. Les 400 roubles de Stepanida, offerts simplement sans espoir de recouvrement, furent acceptés de même. Depuis, les deux solitaires avaient vieilli ensemble, elle s'occupant toujours des intérêts de son maître et tricotant d'innombrables paires de bas, lui se laissant servir avec une nonchalance admirable, à laquelle on ne pouvait comparer que l'abnégation des services rendus. Au bout d'une demi-heure, Mérikoff se leva. « Allons, Stepanida, » dit-il. « Allons, » répéta la docile ménagère en mettant son peloton dans sa poche. Son tricot à la main, elle prit congé de la femme de charge et se mit en marche. « Quand vous vous ennuierez, Vladimir Alexandrovitch, » dit l'hôtesse, « venez prendre le thé chez nous avec Stepanida Vassilievna, cela vous distraira. »« Merci, » répondit Mérikoff, « je viendrai de temps en temps quand je passerai par ici. » Chapitre 4e. L'hiver ne se fit pas attendre. La neige couvrit les allées du jardin. Mérikoff, enfermé dans sa maisonnette près du moulin, passait les journées à fumer et les soirées fabriquer des télègues en bois blanc pour ses enfants chéris. Une après-midi, son œuvre fut terminée. Les petites charrettes roulaient sans bruit sur leurs roues mignonnes. Il les mit sur la table et les contempla, les larmes aux yeux. La journée était belle. Il ouvrit la petite fenêtre de sa chambre et passa la tête dehors. Un souffle de printemps lui caressa le visage. Une goutte de neige fondue, chassée du toit par le vent, tomba sur la main qu'il appuyait sur le bord de la fenêtre. « Dieu merci, » dit-il à haute voix, « ils vont bientôt revenir. »« Oui, » grommela Stepanida derrière lui, « et vous allez de nouveau disparaître. On ne vous verra plus ici que pour manger et dormir. »« Que veux-tu, ma chère? Ils sont si bons. » »« Dites plutôt, elle est si bonne, » continua la ménagère. « C'est la comtesse qui vous attire au château avec sa figure blanche et ses grands airs capricieux. » Mérikoff se retira de la fenêtre et se tourna vers Stepanida en se redressant. « Jamais un mot de blâme sur elle, » dit-il d'une voix tonnante, « ou nous nous séparerons. »« Est-ce que vous en êtes amoureux ? » fit-elle d'un ton moitié boudeur, moitié fâché. Mérikoff fit un pas. La ménagère sortit de la chambre sans bruit, en fermant soigneusement la porte derrière elle. Au bout de quelques instants, Mérikoff rangea avec précaution les petites charrettes dans un coffre vide, prit sa pelisse et sortit. Comme il gravissait la colline qui dominait la rivière et le moulin, il vit passer, en bas sur la route, le diacre de la paroisse. « Bonjour, Vladimir Alexandrovitch, » cria celui-ci. « Voilà un temps qui apportera de l'eau à votre moulin. Comment vous portez-vous ? » « Bien, merci, voisin, et vous-même ? » « Un peu froidement. Je reviens de la ville et il y a bien 20 verstes de chemin, comme vous savez. Il me semble que je n'ai plus de nez. Le vent qui souffle là-haut pique joliment. Allez !»« Entrez un peu vous réchauffer, voisin, » dit Mérikoff, qui était descendu. « Cela fait du bien de voir un homme. Il y a 15 jours que personne n'a passé par ici. Mais les maîtres vont revenir là-haut ? Dit le diacre en entrant dans la maison. Pas encore, répondit Sonaut en le suivant avec précaution. Il lui fallait baisser sa haute taille pour passer sous la porte de sa demeure. Au mois de mai, et voilà seulement mars qui y finit. Stepanida, le samovar. Voulez-vous un coup d'eau-de-vie pour vous réchauffer ? Dit Merikov. Ce n'est pas de refus, voisin, répondit le visiteur en essuyant ses lèvres sur sa manche. Le vent n'est pas bon aujourd'hui. Une bouteille d'eau-de-vie fit son apparition. À votre santé, à la vôtre. Et les deux verres s'entrechoquèrent. Le thé fut bientôt prêt. De verre en verre, la journée tira à sa fin. Le soleil allait se coucher quand les convives, très expansifs, parurent sur le seuil de la maisonnette. Adieu, frère, dit le diacre en secouant la main de son hôte. Adieu, frère, répondit celui-ci. Embrassons-nous. Bon voyage. D'un pas inégal, le diacre alla chercher son petit cheval résigné, qui avait pris patience sous le hangar. En mangeant quelques brins de foin saupoudrés de neige, puis il s'assit lourdement et partit avec force signe de tête affectueux au maître du logis, qui se cogna rudement en rentrant pour avoir oublié de se baisser. Stepanida se tenait à l'écart, mais elle ne fut point grondée, car son maître paraissait avoir oublié son existence. Chapitre 5e. Cependant, mai revint. Les premiers jours s'écoulèrent sans rien apporter de nouveau. Puis une lettre annonça la prochaine arrivée de la comtesse. 8 jours après, Merikov, debout sur le perron, vit au détour de l'avenue les trois têtes blondes se montrer enfin à la portière de la berline. L'équipage s'arrêta, et le vieillard offrit à la jeune femme sa main tremblante d'émotion, sur laquelle elle s'appuya légèrement pour descendre. « Comme vous avez embelli ?» lui dit-il presque malgré lui. « C'est une flatteuse bienvenue, » répondit-elle, en riant et en rougissant un peu. « Mais vous, Vladimir Alexandrovitch, vous êtes irrésistible dans votre uniforme neuf. » Les cris de joie des enfants, qui avaient aperçu leur télèque sur la terrasse, empêchèrent toute conversation. La remarque de Merikov était vraie. La comtesse avait embelli. Dans ses yeux surtout brillait un humide éclat. Ses joues, jadis d'une pâleur transparente à peine nuancée de rose, avaient pris une teinte nacrée qui rehaussait la grâce de son sourire. C'était bien elle, et cependant elle était autre. « Et le comte ?» demanda Merikov. « Le comte viendra la semaine prochaine avec un ami, » répondit la comtesse. « Quel ami ?» insista Merikov avec la curiosité des vieillards. « Monsieur Repkin, qui est revenu cet hiver de l'étranger. »« Restera-t-il ici tout l'été ?» demanda le meunier avec une jalouse inquiétude. « Je ne sais, » dit la comtesse. « Pierre, viens ici que j'arrange ta blouse. » Elle attira l'enfant à elle, l'embrassa, puis se mit à parcourir la maison en donnant des ordres. Elle n'était plus nonchalante comme l'année précédente. Son pas avait pris de l'élasticité. Elle courait presque dans les grands appartements, dérangeant un pli de rideau par-ci, poussant une jardinière par-là, et donnant à tout le luxe de ce logis l'apparence délicate que produisent les doigts d'une femme de goût. « Comme vous êtes gaie et jeune et belle !» lui dit Merikov qui la suivait avec un soin jaloux au moment où, tout essoufflé, elle se laissait tomber en riant dans un fauteuil. « C'est la joie de vous revoir !» répondit la jeune femme en levant malicieusement ses beaux yeux bleus, d'où jaillit un regard velouté. « Dieu me pardonne, comtesse, » s'écria le vieillard. « Vous devenez coquette. Que vous est-il arrivé ?»« Je suis devenue jeune, » dit-elle en se levant. « Allons, chevalier, offrez-moi le bras et allons visiter les serres. » Pendant les 8 jours qui suivirent, Merikov fut dans le paradis. Pas de nuages dans ce ciel éblouissant. La comtesse lui appartenait à lui seul, avec ses grâces nouvelles, son esprit pétillant et les trésors jusque-là cachés de son intelligence. Elle causait avec un abandon filial durant les longues heures qu'ils passaient ensemble, et lui, étourdi, enivré, ne savait s'il devait vénérer sa calme protectrice de l'été précédent ou tomber aux genoux de l'enchanteresse qui l'ensorcelait. Le comte arrivera demain, dit un soir la jeune châtelaine à son fidèle Sigisbé. Depuis son retour, elle ne disait plus mon mari. Eh bien, vous n'êtes pas jaloux ? Vladimir tint résolument ses yeux fixés à terre, car il avait trop d'esprit pour vouloir paraître ridicule. « Je suis très jaloux, » répondit-il tranquillement, « mais ce n'est pas de votre mari. »« De qui donc ? » demanda-t-elle d'une voix brève. « De vos enfants. » Elle sourit et continua gaiement la conversation. Le lendemain soir, vers 9 heures, Merikov trouva dans la salle à manger le comte et son ami. Celui-ci était un beau garçon de 30 ans à peu près, assez fat, un peu affecté, mais pas bête, et de manières irréprochables. Il honora Mérikov d'un salut suffisamment poli, le toisa d'un regard dédaigneux et se rassit devant son thé. La comtesse, plus jolie que jamais, dans un riche peignoir tout de dentelle et de rubans roses, faisait elle-même les honneurs de sa table. « Voilà ma femme qui fait le thé, » dit le comte. « Je me sens disposé à croire au miracle. Depuis quand cette fantaisie, Marie ?»« Qu'est-ce que cela vous fait, mon ami ?» répondit la jeune femme en riant. « Mais non, cela me fait beaucoup. Il doit y avoir une date à cela. »« Ah, je m'en souviens. Quelqu'un dit un jour que le premier devoir d'une femme était de présider à cette cérémonie s'il voulait éviter que sa maison eût l'air d'une auberge. » L'esprit romanesque de ma femme a enfourché ce dada. « Mais c'est vous, Repkin, qui avez énoncé cette maxime. » Les yeux du jeune homme et ceux de la comtesse se rencontrèrent pendant une seconde. « Merci, mon ami, » continua gravement le comte. « Vous avez fait d'un mot ce que 10 ans de mariage n'avaient pu accomplir. Je boirai désormais du thé supportable. » Celui que présentent les domestiques sent toujours la pharmacie. Le repas terminé, la comtesse se mit au piano. Elle ne possédait pas un brillant talent, mais son jeu n'était pas dépourvu d'expression. Ce soir-là, elle joua avec une exubérance de vie et de passion qui troubla profondément le cœur de Mérikov. Jamais il ne l'avait vue ainsi. Ce fut une révélation. Les joues teintées d'un rose plus brillant que celui de la santé, les yeux animés d'un éclat surnaturel, elle laissait courir sur le clavier ses mains délicates et Repkin, accoudé en face d'elle sur l'instrument, la regardait avec admiration. Le meunier prit congé de bonne heure et s'en alla ruminer en son gîte des pensées mélancoliques. « Bon, après tout, se dit-il en soufflant sa chandelle, c'est une forte coquetterie, rien de plus. » Chapitre 6e. Juin amena les grandes chaleurs. Tout le jour, la maison semblait assoupie, mais le soir, les volets s'ouvraient et les habitants du château revenaient à l'existence. À l'heure où le crépuscule répand dans l'air ses clartés adoucies des pays du Nord, qui semblent le reflet mystérieux d'un astre voisin, la comtesse se promenait ordinairement dans les parterres que le regard embrassait du balcon. Jadis, Mérikov l'accompagnait pendant que le comte consacrait cette heure aux travaux administratifs de son domaine. Les temps étaient changés. Désormais, Repkin était le compagnon de la jeune femme. À pas lents, il marchait le long des plates-bandes, tournant dans un cercle étroit, ramené de temps en temps par l'exiguïté du parterre sous la balustrade de la terrasse, où Mérikov, resté seul, fumait mélancoliquement sa longue pipe. Ils se parlaient sans doute, et cependant le bruit de leurs paroles n'arrivait plus aux oreilles du vieillard redevenu morose. Ce qu'ils se disaient, peu de choses, et qu'importe. Il est des heures où l'on ne cause que pour ne pas se taire. On croit peut-être conjuré par ce bruit des pensées que le cœur ne peut plus endormir. Mérikov les suivait jalousement des yeux. Une haine terrible le prenait au cœur contre cet homme qui était venu lui ravir, souiller peut-être, l'idole de ses dernières années. Il n'était ni meilleur ni plus vertueux qu'un autre. 20 ans auparavant, il eût agi comme Repkin. Mais la vieillesse, si vite que l'on soit, met un peu de plomb dans les idées. À 60 ans, il comprenait fort bien que ce fat allait commettre une lâcheté sans excuse, car il n'aimait pas la comtesse. Ses yeux fixés sur elle exprimaient l'admiration, quelquefois même une nuance de plus, l'amour jamais. Elle, pauvre innocente, s'avançait doucement vers le gouffre. Elle allait y tomber en souriant, sans s'en apercevoir. Les yeux tournés vers celui qu'elle parait de tous les dons de son propre cœur et de sa propre intelligence. Est-il rare qu'une femme d'esprit aime sérieusement un imbécile? Non, seulement elle ne l'aime pas longtemps. Et le jour où vient le repentir, la souffrance est d'autant plus aiguë que l'idole est témoin digne du sacrifice. Un soir, la comtesse se promenait comme d'ordinaire dans le parterre, dont l'odeur embaumée lui montait au cerveau. Mérikov ne put supporter cette vue. Il rentra et se dirigea vers la chambre de la femme de charge. « C'est vous, voisin ?» lui dit celle-ci. « Il y a longtemps que vous êtes venu me voir. »« C'est vrai, » dit-il, « mais je suis si occupé. »« Occupé. Vous l'étiez bien plus l'année dernière. » « Ah, il n'y a pas à dire, ce n'est plus vous qui régnez ici. Le nouvel arrivé a pris votre place. » « La comtesse aime beaucoup, M. Repkin. »« C'est l'ami de son mari, » répondit le vieillard au supplice. « Allez donc, c'est l'ami de la comtesse, et pourquoi pas? Il n'y a pas de mal à avoir un ami. Si c'est un amant, ce serait autre chose. » ajouta la vieille femme avec un méchant sourire. « Vous vous en allez déjà ?»« Oui, je vais fumer ma pipe sur le balcon. Vous pouvez fumer ici. Merci, j'aime mieux aller au grand air. » »« Comme il vous plaira, » répondit sèchement la femme de charge en lui tournant le dos. Merikoff retourna sur le balcon. En s'asseyant, il vit que la comtesse était arrêtée. L'une de ses mains était légèrement appuyée au tronc d'un tilleul. Hepkin retenait l'autre. Il la porta soudain à ses lèvres et y déposa un baiser passionné. La jeune femme voulut la retirer. Hepkin résista. Alors, faisant le geste de quelqu'un qui chasse une idée importune, elle se laissa tomber sur un banc. Il s'assit près d'elle sans quitter sa main. Merikoff ferma les yeux et poussa un soupir. Au bout d'un instant, entendant des pas sur le gravier, il se leva. La comtesse passa près de lui, très pâle, l'œil brillant, l'air résolu. « Cela ne peut pas durer, » se dit Merikoff. « S'il n'est pas encore trop tard, il faut y mettre fin. » Depuis quelque temps qu'il étudiait le jeune fat avec la précaution d'un chat qui guette une souris, il l'avait vu parfois se diriger vers une grange écartée. Interrogé sur la cause de ses promenades solitaires, Hepkin avait répondu qu'il était sain pour lui de dormir dans le foin de temps à autre. Merikoff, ce jour-là, se mit en embuscade. Quelques instants après, il vit son ennemi se diriger vers la grange. Poussé par une curiosité malveillante, il le suivit avec précaution, se dérobant derrière les nombreux bâtiments des communs. Sur le seuil du hangar à foin était assise Féclusha, qui cassait des noisettes avec ses dents. Avant d'entrer, Hepkin lui dit quelques mots, et aussitôt la gardeuse de Dindon prit à toutes jambes le chemin de la ferme. Mue par un instinct qui ne laissait à sa volonté ni le temps, ni la puissance d'agir, Merikoff se dirigea rapidement vers la maison. C'était l'heure où la comtesse aimait à rester couchée sur son balcon. Étendue, en effet, sur une chaise longue, elle semblait livrée à une douloureuse préoccupation. Par moments, une langueur délicieuse semblait s'étendre sur elle, puis elle la secouait et reprenait ses pensées. Merikoff ne s'arrêta pas longtemps à la regarder. « Comtesse, » dit-il brusquement, « allons voir le seigle, il est en fleur. » « Allons, » dit nonchalamment la jeune femme en se levant. Ils prirent le chemin du champ de seigle qui bornait la grange, à moins de 10 minutes de la maison. Comme ils sortaient de la cour, ils virent Féclusha entrer dans le petit bâtiment, un verre de lait à la main. « Quelle idée d'aller boire du lait là-bas, » dit la jeune femme en s'arrêtant. « Mais cela ne peut pas être pour elle. Il y a peut-être là quelqu'un de malade. Allons voir. » Merikoff eut peur de ce qu'il avait fait. « N'y allons pas, comtesse. » Dieu sait quels gens parcourent les chemins à présent. À 2 pas de la maison, et avec vous, des gens qui boivent du lait frais ne peuvent être que des gens très inoffensifs. » Elle plaisantait, et cependant, une légère émotion, la crainte de l'inconnu peut-être, la fit tressaillir d'un frisson involontaire. Elle en rit elle-même, et pressa le pas de son compagnon. Arrivée à la porte de la grange, Merikoff la retint. « N'entrez pas, » lui dit-il à voix basse. « Je vous en conjure, comtesse, n'entrez pas. Pourquoi ?»« Puisque vous le voulez, écoutez. » Un éclat de rire campagnard partit de l'intérieur du bâtiment. La voix de Hepkin y répondit, puis ajouta « Allons, petite sauvage, il faut t'avouer que tu as fait des progrès dans l'art de plaire depuis que j'ai daigné te remarquer. »« Il faut bien vous plaire, seigneur, » répondit Féclusha. « C'est bien, » reprit Hepkin. « Tu auras les boucles d'oreilles que je t'ai promises avant mon départ. » « Vous vous en irez donc ?» dit la gardeuse de Dindon en asiant, ce qui indiquait qu'elle était prête à pleurer. « Petite sotte, » répondit Hepkin, « t'imagines-tu que je passerai ma vie ici ?» La comtesse, pâle d'horreur, s'était arrêtée au premier mot du dialogue et avait écouté malgré elle. À ce moment, ses yeux lancèrent un éclair. Elle voulut faire un pas en avant, mais les forces lui manquèrent. Merikoff étendit le bras pour la soutenir. Elle s'y accrocha machinalement et faillit s'évanouir. La lutte entre sa faiblesse et son orgueil dura un instant, puis l'orgueil vainquit. Pâle comme la statue du désespoir, la jeune femme jeta sur la grange un regard de mépris, puis elle dit à haute voix « Eh bien, monsieur Merikoff, ce seigle en fleurs, où donc est-il ?» Le silence se fit à l'intérieur du bâtiment, et la robe de soie de la comtesse fut le seul bruit que l'on entendit pendant un instant, quand ils eurent fait quelques pas le long du champ. « Ramenez-moi à la maison. » dit-elle à voix basse. Tendrement, le cœur plein de remords, Merikoff, dont elle n'avait pas quitté le bras, la ramena dans le salon. Elle se laissa tomber sur le canapé, puis, après un moment d'abattement, elle fit un effort pour sourire, mais ce sourire navra le cœur du vieillard. « Je ne me sens pas bien, » dit-elle. « Excusez-moi près de mon mari, je vais essayer de dormir. » Il tendit la main au vieillard, qui l'effleura de ses lèvres, puis, lui faisant un signe de tête affectueux, elle entra dans sa chambre, dont elle ferma la porte à clé. Quand elle fut seule, elle s'approcha de son lit, s'appuya de la main droite à la muraille. « Oh Dieu !» dit-elle à voix basse. « Il était temps, si c'eût été demain. » Elle frissonna de la tête aux pieds, puis un sanglot secoua sa poitrine. « Comme je l'aimais !» murmura-t-elle en se laissant glisser à genoux. « Voilà le châtiment !» Elle fondit en larmes, et prosternée sur le tapis, elle pleura longtemps, longtemps, de repentir autant que de douleur. Chapitre 7e. Là, j'en étais sûr, dit le comte en entrant dans la salle à manger le lendemain matin, quand il vit une petite théière en argent sur un plateau devant sa place ordinaire. De quoi ? Dit Repkin, qui avait l'air de mauvaise humeur. Que ma femme ne montrait pas longtemps son nouveau dada. Voilà qu'elle ne veut plus faire le thé à présent. Malgré le nuage qui pesait sur lui, Repkin ne put s'empêcher de rire de l'apparence soucieuse de son hôte. En ce moment, la comtesse entra, pâle, les yeux battus, mais le regard ferme et l'attitude sérieuse. Elle salua Repkin d'un signe de tête et s'assit près du comte. « Marie, dit celui-ci, vous avez renoncé à votre fantaisie ménagère, j'en suis désolé. Vous y tenez donc beaucoup, mon ami, dit la jeune femme avec douceur. « Certainement. Eh bien, je vous servirai moi-même. » Mais mon abnégation n'ira pas au-delà. » En disant ces mots, elle s'empara du plateau et servit son mari, puis elle-même. Elle sonna le domestique. « Apportez du thé à monsieur, » dit-elle en désignant Repkin. Celui-ci se mordit les lèvres. Le soir même, la poste lui ayant apporté plusieurs lettres, il prétexta une affaire importante et partit. Le comte et Féclusha le regrettèrent quelques jours, puis la vie reprit au château sa routine ordinaire. Seulement le 9e jour, la jeune femme ne put pas se lever, et vers midi un express partit en hâte pour chercher le médecin de la ville voisine. La comtesse Marie avait une fièvre nerveuse. Pendant plusieurs jours, les puissances de la vie combattirent la mort au chevet de la pauvre femme. Enfin, sa jeunesse, sa bonne constitution, ce vague désir de vivre si fort au cœur de l'homme, même quand il est malheureux, remportèrent une victoire chèrement disputée, et les stores, longtemps baissés, se levèrent enfin sur le jardin embaumé. Tant qu'avait duré la maladie de sa protectrice, Merikoff, bourrelé de remords, avait passé les nuits au château, couchant tout habillé sur le tapis en travers du seuil de la chambre fatale. Quand il rentrait au moulin pour y manger un peu avant de reprendre sa garde, Stepanita le grondait vertement, mais il ne l'écoutait pas. « Cela ne ressemble à rien, » disait-elle tout en le servant. « Vous voilà épuisé comme un cheval de paysan. Et pourquoi, je vous le demande ? Pour cette grande dame qui vous apprécie aussi peu qu'un des arbres de ces forêts ?» Stepanida avait tort, cependant, car la première personne étrangère admise à voir la comtesse hors de sa convalescence fut Merikoff. Il tremblait en se présentant devant elle, craignant de lui rappeler le jour malheureux de leur dernière entrevue. Mais elle le reçut avec un calme sourire et lui tendit sa main amaigrie, d'une blancheur transparente. Une larme tomba de ses yeux sur la faible petite main. « Il ne faut pleurer que sur les morts, » dit-elle avec un mélange de tristesse et de fierté. « Je suis vivante, Dieu merci. » Elle aspira avec délice l'air parfumé qui entrait par la fenêtre et regarda longtemps ses trois enfants qui jouaient sur la terrasse. « Pauvre petit, » dit-elle à voix basse. Ils auraient pu rester orphelins. » Et par un mouvement spontané de tendresse et de pitié, elle tendit la main à son mari debout devant elle. Il se pencha et l'embrassa au front. « Je ne savais pas à quel point vous m'étiez cher, Marie, » dit-il. « À présent que j'ai manqué vous perdre, je serai plus attentif à la garde de mon trésor. » Une grande joie aurait dû remplir le cœur de Merikoff. Cependant, il sortit, car il se sentait prêt à pleurer. La comtesse se remit lentement, mais un jour vint où elle put faire seule le tour du parterre. En passant devant le banc où Merikoff l'avait vue assise près de Repkin, elle chancela, ses jambes étaient encore si mal assurées. Mais faisant quelques pas de plus, elle alla se reposer sur un autre banc, À partir de ce jour, elle cessa ses promenades autour du parterre et se dirigea de préférence vers le parc. Chapitre 8e. Quelques semaines après, une nombreuse société dînait au château. Le jour était pluvieux et disposait éminemment à parler politique. Naturellement, chacun dauba les actes du gouvernement. Quoi de plus doux, en effet, pour les propriétaires fonciers que de médire de l'autorité. On serait conservateur à moins. Un voisin, possesseur d'une distillerie privilégiée, parla de la liberté du commerce des eaux de vie. « Cela ne ressemble à rien, » dit-il. « J'ai un village de 30 maisons où il y a 5 cabarets, et pas un seul qui vende mon eau de vie. » « Je comprends votre manière d'envisager les choses, » dit Merikov, qui de son coin écoutait sans en avoir l'air. « Mais tournez-vous de grâce et l'on vous répondra. » « Quant à moi, » poursuivit-il, « je trouve que le gouvernement a très bien fait de permettre la libre vente de l'eau de vie. Cependant, il a eu tort en un point. »« Lequel ?» fut le cri général. « Il aura dû donner l'eau de vie gratis, au lieu de la vendre. De cette façon, les paysans se seraient tous enivrés à mort, et ce serait bien des frais épargnés pour les communes, sans compter que nous autres gentilshommes nous en aurions peut-être hérité. » Un rire universel accueillit cette boutade. « De grâce, messieurs, parlons d'autre chose, » dit la comtesse. « Je vous avoue que peu d'idées me répugnent autant que celles de l'ivresse. Une seule fois dans ma vie, j'ai vu une victime de cette malheureuse passion. L'impression qui m'en est restée est fâcheuse au point que, si l'être que j'aime le mieux se présentait à moi en cet état, je ne sais si j'aurais le courage de le revoir de ma vie. » En rentrant chez lui ce soir-là, Merikov prit dans un coin de son armoire une petite bouteille ronde et en vida le contenu par la fenêtre. Il secoua les dernières gouttes avec une sorte d'insistance, puis se mit au lit et dormit du sommeil le plus calme. Chapitre 9e. Vladimir Alexandrovitch, « vous ne venez plus jamais nous voir, » dit un jour le diacre qui causait avec le meunier sur le seuil du moulin. La roue tournait joyeusement, les poules caquetaient en picorant le blé répandu, et de légers nuages blancs passaient dans le ciel, chassés par un vent frais d'automne. « C'est vrai, voisin, » répondit le gentilhomme meunier, qui fumait sa pipe les bras croisés. « Mais le moulin me donne peu de loisirs à présent. Et l'hiver, oh l'hiver, c'est différent. » « Les 6 verstes qui nous séparent ne sont pas grand-chose avec un bon petit cheval comme celui que je viens d'acheter. »« Oui, vous avez été en ville ?»« Hier. »« Qu'est-ce qu'on y fait ?»« On s'y amuse, » répondit Vladimir Alexandrovitch, en se servant d'un terme intraduisible qui comprend tous les genres de débauche. « Et vous vous êtes amusé aussi ?»« Et ?» demanda le diacre en soulevant une épaule. « Moi ? Non, je ne bois plus. »« Depuis quand ?»« Depuis que j'ai reconnu que cela ne vaut rien pour ma santé. » répondit le meunier sérieusement. Oui, c'est bon pour un temps, et quand on a froid, il faut geler. Non, non, compère, ça va dans les capitales de faire la petite bouche, mais ici ce n'est pas de mise, vous y reviendrez. J'espère que non, dit Merikov. Que fait-on chez vous? On bat le blé. Eh bien, Vladimir Alexandrovitch, je vous attendrai avec les premières neiges. C'est dit, adieu. Adieu. Le diacre remonta sur son petit cheval et traversa la rivière à gué, pendant que Merikov rentrait dans son moulin en chantant une chanson. Chapitre 10e. 15 jours après, la comtesse partit. Cette séparation fut plus pénible encore que la première pour l'ermite du moulin. Son ami lui était devenu plus cher que jamais. Il la vénérait, non seulement pour sa bonté, mais pour son courage, pour sa patience, pour sa résignation. Elle était toujours à ses yeux la sainte des premiers jours, mais de plus elle portait désormais l'auréole du martyr. Du mari et du mariage, il avait fait abstraction. L'essentiel est que la comtesse avait souffert, qu'elle l'avait fait noblement, qu'elle n'avait pas succombé à la tentation, et qu'elle était plus que jamais sa protectrice bien-aimée. L'hiver passa tristement. Au premier jour de mai, une lettre vint apprendre à la domesticité du château que la comtesse était à l'étranger et qu'elle reviendrait, au commencement de juin, s'installer à la campagne. C'était 15 jours de tristesse et de solitude de plus pour Merikov. Le 15 du mois, comme il était mélancoliquement assis sur le seuil de sa porte, il vit arriver le diacre au petit trot de son cheval. « Je viens chez vous dans un but intéressé, » dit le visiteur, après les salutations d'usage. « Que puis-je faire pour vous ?»« Soyez parrain de mon fils nouveau-né. » On le baptisera dimanche. Vladimir réfléchit un instant. « C'est dans 8 jours, » dit-il. « Oui. Eh bien, j'y serai. Entrez, compère. Nous allons prendre le thé. Stepanida !» La ménagère apparut et fit bon accueil aux visiteurs tout en s'occupant du régal. « N'avez-vous pas une petite goutte ?» dit le diacre. « J'ai bien chaud. » Mirikov mit une bouteille d'eau-de-vie sur la table et remplit un verre pour son hôte. « Eh bien, nous ne trinquons pas, » dit celui-ci. « Excusez-moi, » répondit Mirikov. « Allons, vous êtes un singulier personnage. Et par ces froids d'hiver, vous n'avez jamais désiré vous réchauffer. »« Cela ne convient pas à ma santé, » répondit évasivement le meunier. « Et votre femme va bien ?»« Naturellement. À son 6e enfant, il n'est plus temps de faire la mijaurée. C'est elle qui nous fera le gâteau de baptême. » « Eh bien, compère, je n'y manquerai pas. Comment nommerez-vous votre garçon ?» Lorsque le diacre partit vers le soir, son pas était encore ferme. « À bientôt, compère, » dit-il à Mirikov en le quittant. « N'oubliez pas et surtout oubliez le souci de votre santé, car vous ne voudriez pas faire outrage au nouveau-né en refusant de boire à la sienne. » Mirikov fit un signe de tête qui pouvait avoir toutes les significations possibles et rentra dans sa maison. Chapitre 11e. Le lendemain du baptême, vers 1 heure de l'après-midi, les 3 enfants de la comtesse descendirent en riant et en courant le chemin escarpé qui menait au moulin. Leur mère les suivait, plus pâle, plus sérieuse qu'à son arrivée l'année précédente, mais toujours sympathique et charmante. Stepanida, qui étendait du linge sur la haie du jardin, poussa un cri de surprise en la voyant paraître. « Vous êtes ici, votre Excellence ? » dit-elle en s'approchant pour lui baiser la main. « Quand êtes-vous arrivé ?»« Tout à l'heure. J'avais crié qu'il faisait trop froid en Allemagne et que nous revenions. Il faut croire que la lettre a été perdue. Nous sommes revenus faire une visite à votre maître. Où est-il ?»« Il dort, » répondit Stepanida d'un air confus. « Comment, à cette heure-ci ? » ?»« Il a un peu mal à la tête. »« Il est malade ?» dit la comtesse avec sollicitude. « Laissez-moi le voir. »« Ce n'est pas la peine, madame, » répondit Stepanida, fort inquiète. « Il n'y paraîtra plus demain. »« Raison de plus, » répliqua la jeune femme. « Il est peut-être réveillé. » Elle entra pendant que Stepanida priait intérieurement tous les saints du paradis. Tout habillé, Vladimir était couché sur le banc rustique de la salle à manger. Son visage était très rouge et sa respiration lourde et brûlante. Une odeur alcoolique était répandue dans l'atmosphère, mais la comtesse, peu habituée à l'air étouffant des chambres basses, n'y fit point particulièrement attention. Le sommeil du vieillard était stupide et pénible. « Y a-t-il longtemps qu'il est comme cela ?» demanda la jeune femme en sortant. « Depuis hier soir, madame, mais n'y faites pas attention, cela passera. »« L'avez-vous déjà vu dans cet état ?»« Oh oui, cela lui arrive quelquefois. »« Il ne s'ensuit rien de fâcheux ?»« Non, il se réveille et voilà tout. » À 100 lieues de la vérité, la comtesse reprit le chemin de la maison après avoir fait promettre à Stepanida de l'envoyer chercher si Mirikov se trouvait plus mal. Chapitre 12e. 2 heures après, le meunier se réveilla. Stepanida courut dès son premier mouvement pour une tasse de thé qu'elle tenait prête. « Pensez donc, » dit-elle, « monsieur, la comtesse est arrivée. »« Quoi ?» dit Mirikov encore un peu hébété. « La comtesse est arrivée. Elle est venue vous voir et s'informer de votre santé. »« Elle est venue ici ?» dit Mirikov en se levant. « Tu mens, » cria-t-il d'une voix tonnante. « Pardonnez, maître. Elle est venue ici avec les enfants et quand elle a su que vous dormiez, elle a voulu vous voir elle-même. J'ai fait tout ce que j'ai pu pour l'empêcher d'entrer, mais elle n'aime pas qu'on lui résiste et elle est entrée. « Elle m'a vu ainsi ?» cria Mirikov en fureur. Il se calma tout à coup et retomba sur le banc. « Qu'a-t-elle dit ?»« Qu'on la fasse chercher si vous alliez plus mal. » « C'est bien, va-t'en, » dit Mirikov en posant ses 2 coudes sur la table. Stepanida s'en alla. Elle ne comprenait rien à cette subite fureur. À ses yeux, ce qui s'était passé était sans importance, puisqu'évidemment, la comtesse n'avait pas compris la cause de la maladie de Mirikov. Mais expliquer cela au vieillard était impossible pour le moment. Stepanida n'avait pas vécu 20 ans avec lui sans apprendre combien ses emportements étaient à redouter. Pauvre fille. Peut-être avait-elle été battue plus d'une fois. Elle se tut donc, remettant au soir les explications qui devaient adoucir la mortification de son maître. Pendant ce temps, Mirikov était resté dans l'attitude où elle l'avait laissé, une seule idée se détachait nette dans les vapeurs de son cerveau encore mal éclairé, c'est qu'il devait être, pour sa protectrice bien-aimée, un objet d'horreur et de dégoût. La veille, il avait succombé bien malgré lui, mais il s'était mis dans l'impossibilité de faire autrement, et maintenant il ne pouvait penser sans terreur à se présenter devant la jeune femme. « Ne pas la revoir ?» se dit-il. « L'éviter ? Vivre avec la conscience de ma honte ?» Il se leva lentement et s'achemina vers le moulin. La meule tournait. Il prit une poignée de farine fraîchement moulue, en huma l'odeur. « Le blé est bon cette année, » dit-il au paysan qui surveillait sa mouture, assis sur un sac en face du garçon meunier. Puis il sortit et s'approcha de la rivière. Le courant encaissé entre deux rives étroites coulait avec une rapidité vertigineuse. Deux roues tournaient assez vite, répandant une pluie de diamants. Il monta sur la planche humide et glissante qui servait de pont d'une rive à l'autre et s'y tint un instant, les bras croisés, regardant le rivage. À ce moment, la robe blanche de la comtesse apparut au sommet de la colline. Une fois éveillé, sa sollicitude ne se payait point de paroles. Le petit panier de fioles passait à son bras. Elle venait apporter des remèdes à son vieil ami. Il la regardait avec une tendresse exaltée. La planche bascula sous ses pieds et le courant l'entraîna. Son corps glissa sur la première roue, puis sous la seconde, et s'arrêta, sanglant et défiguré, sur le banc de gravier que le courant avait apporté au bas du moulin. La comtesse, qui avait tout vu, se précipita dans la maison pour appeler Stepanida. Elles coururent toutes deux, les meuniers prêtèrent leur secours, et quelques instants après, le cadavre était couché sur le gazon. La comtesse, en pleurant, essaya vainement d'y ramener la vie. Stepanida la regarda d'un œil sec. « Laissez-le-moi, madame, » dit-elle brièvement. « C'est à moi de le préparer pour son dernier sommeil. » Machinalement, la jeune femme s'écarta. La ménagère prit le corps dans ses bras. Avec une force extraordinaire, elle le transporta dans la cabane et le mit sur son lit. « Vous l'aurez oublié dans 8 jours, » disait-elle entre ses dents, « et moi je le pleurerai toute ma vie. » On crut que Vladimir Merikov s'était tué dans un accès de fièvre chaude, car on lui savait le pied assez sûr pour ne pas broncher en passant sur la planche de son écluse, et d'ailleurs, l'eau n'étant pas profonde, il eût pu se retenir aux abords. La comtesse le fit enterrer à ses frais, dans le cimetière auprès de l'ancien caveau de sa famille. Les enfants se souviennent encore de leur vieil ami, et le jour anniversaire de sa mort, ils viennent apporter des couronnes sur sa tombe dans l'humble cimetière du village, où les laborieuses abeilles butinent tout le jour dans les tilleuls en fleurs. La comtesse est une femme parfaite et vit le mieux du monde avec son mari, qui ne peut se passer d'elle. Stepanida demeure seule dans une petite masure près de l'église, d'où elle peut voir la tombe de son maître sans se déranger de sa place, près de la fenêtre où elle tricote les bas, qui servent maintenant à lui procurer du pain. C'est ainsi que se termine Le Meunier d'Henri Gréville.